La population de différents milieux sud-coréens exalte les espoirs immortels du général Kim Jong-il accomplis pour l'édification du parti et la réunification de la patrie. La personnalité dissidente de Séoul, Lee Chol-jun, a qualifié les annales des activités du leader Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée de grandes périodes enregistrées dans l'histoire de direction du parti. D'autres personnages, comme un chercheur permanent de l'Institut de notre société, ont dit que le président du Comité de la Défense nationale, Kim Jong-il, a accompli de grands exploits dans l'histoire du mouvement de la réunification de la patrie en faisant adopter la déclaration commune du 15 juin pour résoudre le problème de la réunification de la patrie par les efforts de la nation et la déclaration du 4 octobre, programme pour son application avec son intelligence extraordinaire, sa volonté immuable de la réunification, son leadership incomparable et sa grande magnanimité. Les presses sud-coréennes ont écrit que le président du Comité de la Défense nationale, Kim Jong-il, est le doyen politique incomparable, le guide de la réunification et le grand homme sans égal, vénéré de toute la nation coréenne.